Unité 2. Tâche 1A. 1. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre message et c'est moi qui ai perdu ce billet. Hier, vers 9h, je suis passée à la banque pour retirer l'argent de mon compte parce que je voulais payer ma femme de ménage. Je suis sortie de la banque et j'ai, en gardant le billet dans la main, et je l'ai tenu pendant environ 200 mètres, je pense, jusqu'au kiosque à journaux pour acheter mon numéro d'arrêt décoration. Là, j'ai ouvert mon sac pour prendre mon portefeuille, y mettre le billet et prendre les pièces pour payer le magazine. Je pense que le billet a dû glisser quand je le rangeais dans mon sac et je m'en suis pas aperçue. Après mon achat, je suis rentrée et au moment où j'ai cherché le billet pour payer Madame Alain, je me suis rendu compte que je l'avais perdu. Voilà, je vous remercie de bien vouloir me contacter au 05 58 56 78 91. Je suis Madame Defacio. 2. Bonjour, je suis Bernard Lagoer. C'est moi qui ai perdu ce billet. Vous savez, je suis maçon et des fois je travaille au noir et on me paie en liquide. Hier midi, un client m'a payé pour une réparation que j'ai fait chez lui et j'ai mis le billet plié en quatre dans la poche de ma veste. Et puis je suis donc allé au bistrot manger mon casse-croûte et ensuite je suis passé au kiosque. Le billet a dû glisser hors de ma poche alors que je prenais un petit billet de 5 euros pour payer mon journal. Je peux pas vous donner le nom de mon client qui prouverait qu'il m'a bien payé. Parce que c'est gênant de le faire avouer qu'il me paie au noir. Bref, je vous rappellerai ce soir pour vous en reparler. Merci madame, au revoir. 3. Bonjour madame, je suis Carole Reynaud. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et ce billet, c'est mon oncle qui me l'a donné pour acheter la chaîne stéréo que je voulais depuis longtemps. J'ai pris mon vélo vers 11h pour aller au centre commercial acheter la chaîne. Je serrais bien le billet dans la main, et il a dû tomber quand j'ai freiné devant le kiosque, pour ne pas écraser un chien qui traversait la rue. Si vous m'appelez au 05 58 67 90 42, je pourrais vous passer mon oncle, qui va vous confirmer qu'il m'a bien donné cet argent. Voilà, merci, au revoir. 4. Bonsoir madame, Robert Brichard à l'appareil. Oh, je suis bien soulagé de savoir que vous avez trouvé mes 500 euros. En ce moment, il ne m'arrive que des malheurs. Tout d'abord, j'ai perdu ma carte bleue hier soir. Alors ce matin, vers 10h30, je suis allé à la banque pour prendre de l'argent liquide et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais quand je suis rentré ce soir, le billet de 500 euros qu'on m'avait donné à la banque avait disparu. Je ne sais pas comment je l'ai perdu. Il me semble qu'il a dû tomber de la poche de mon pantalon quand je passais devant le kiosque, avant de rentrer chez moi et après avoir fait quelques courses au supermarché du coin. J'espère que vous me croirez et que vous me rendrez mon billet. Je vous rappellerai ce soir.